J'ai délié des verres de boule stylo pour me donner l'air d'un bel intello. J'ai vidé des verres pour me donner le flow. Oh, oh. Verre de mer indigo, syllabique comme un mot, rythmique à fleur de peau. Elle a mis son bateau dans un tout petit verre d'eau. Elle a mis son bateau dans un petit verre d'eau. Enchaîner les mots, tomber dans les temps, derrière le ruisseau, tenter d'être un tantinet rigolo, oh, oh, sans en faire un kilo, syllabique comme un mot, rythmique à fleur de peau. Elle a mis son bateau dans un tout petit verre d'eau. Elle a mis son bateau dans un petit verre d'eau. Peine d'aller trouver la philosophie de quartier pour la chanter faux. Autant trouver les jolis mots qu'il faut. Oh, oh. D'un télo mégalo, syllabique en un mot, rythmique à fleur de peau. Elle a mis son bateau dans un tout petit verre d'eau.